le moment où tu vas faire n'importe quoi avec une personne, est-ce que tu as identifié qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu le conscientises? Est-ce que tu es dépassé par ça? Parce que moi, j'ai l'impression que tu essayes de te... Tu ne t'aimes pas, au fond, tu ne t'aimes pas. Peut-être parce que dans ton passé, il y a des choses qui se sont passées qui ont altéré la conscience de ton identité. Bah, notamment ce qui s'est passé pour toi à 5 ans. Je crois que tout se joue avant 6 ans, donc il y a des choses qui ont abîmé, blessé ton rapport à toi-même dans la construction de ton identité très jeune. Et inconsciemment, pour te punir de choses c'est pas ta faute, c'est des choses qui te sont arrivées de personnes extérieures mauvaises. Inconsciemment, dans ta tête, tu te dis, il y a quelque chose qui fait comme si t'avais pas le droit de vivre, t'as pas le droit d'avoir des bons moments, de belles relations, et tu te punis toi-même. C'est mon hypothèse, dis-moi si elle est probable. Tu te punis toi-même en te comportant très mal avec notamment des filles pour finalement te saboter, détruire la relation et passer à côté de ce que tu aimerais, c'est-à-dire être heureux en couple, bien avec une belle fille comme Marion l'était ou d'autres, quoi.